Génération complète. Historiquement parlant, c'est indéniable, le passé est garant du présent et du futur. Étant de nature à tendance nostalgique, j'aime bien pouvoir retourner en arrière et des fois très très loin en arrière, afin de me remémorer, voire même revivre certains épisodes temporels qui ont été intéressants. Mais comme il ne faut pas s'attarder à vivre dans le passé, et que nous devons aussi regarder en avant, je tenterai de clore ce soir ce spécial 1985. Pour pouvoir, la semaine prochaine, m'attaquer à l'année 98. C'est la preuve que je raconte n'importe quoi. Mais pas tant que ça. Parce que 1998, c'était le futur en 85. En plus de raconter toutes sortes de choses qui ne tiennent pas debout, je présenterai deux nouveautés, soit la formation australienne Blade of Horus et les Allemands de Exhumer. Par contre, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus véritable. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous dit que tout va bien, que votre bilan de santé est parfait, et qu'il se projette dans le futur, 30 secondes plus tard, pour vous dire que ce n'est pas vrai, et qu'il éclate de rire. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. De mes deux, cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I... Pendragon said so. Pile driver, go. Hi, this is Dave Carlo from Razor, and you're listening to 89.1 FM CFOU. Seeking the truth.

Vous êtes assez fait. 80 heures. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis, 10h à C'est fou 89.1 FM. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television, Television, CNX, Merci Science, WoWatWeb, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou? 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce je ne sais quoi de l'an de disgrâce 2016. Bien sûr que je sais quelle date nous sommes. Nous sommes le 16 février. Oui, j'avais compris, je sais. Non, je sais, Horace, que ça fait longtemps que t'as pas parlé, et moi non plus, la semaine passée, je ne parlais pas. Et non, je n'étais pas ici parce que j'étais accablé par une lourde maladie. Bref, cette semaine, j'y suis, et je dois vous dire d'emblée, immédiatement, que la semaine prochaine, je n'y serai pas. Mais non, c'est plate comme ça, parce que la semaine prochaine, je vais assister au spectacle de Black Sabbath à Montréal, donc il n'y aura pas de réanimation la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, il y en a une ce soir, et... elle est chargée à bloc encore une fois. On vient d'entendre premier bloc d'ouverture de l'émission qui était cette continuité et ma foi, j'ose espérer, conclusion de ce spécial 1985 avec la formation américaine Slayer et leur deuxième album studio Hell Awaits. La pièce étant la pièce titre de l'album, bien sûr, qui est paru, je ne le dirai pas 50 fois, en 85 sous étiquette Metal Blade. Une version que j'ai légèrement retrafiquée, je dois l'avouer. Nous avions une autre formation américaine juste avant, Hallows Eve, et la pièce Plunging to Megadeth, tirée de Tales of Terror, album paru sur Metal Blade. Et en ouverture de bloc, deux formations canadiennes, soit Razor et Take This Torch, qui est tiré de leur premier album Executioner's Song, sur Unidisc, mais ce qu'il faut savoir avec Razor, c'est que la même année aussi, il y avait l'apparition de Evil Invaders, qui était le deuxième album. Et c'est probablement ce qui a eu raison d'eux, dans ces années-là, de produire, en fait, d'être obligé de produire, d'enregistrer, de composer, d'enregistrer, de produire des albums à répétition à raison de deux par année. C'était beaucoup trop, et celle-là encore aujourd'hui. Et on est ouvert avec Pile Driver, les Canadiens Pile Driver et la pièce Sex with Satan. Ah, quelle horreur des gros mots! Wow, mais quelle horreur des gros mots! Mais j'ai horreur des gros mots. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça compte... Ah! Désolé! On a encore un petit problème. Bon, on repart ça. C'est tiré de Metal Inquisition, premier album, et un des rares aussi à être sorti de Pile Driver qui est paru sur Cobra Records. C'est ça la beauté du live. Justement, petite parenthèse avant de continuer ce petit spectacle de clownerie. Parlant de live, ceux d'entre vous qui écoutez l'émission Subversion, le Metal Show avec DJ Tower of Death, eh bien, vendredi dernier, c'était son édition spéciale consacrée aux survivants de la radio. C'était le titre de l'émission spéciale, émission qui avait été extensionnée de 20 minutes pour l'occasion. Et il rendait un hommage, ma foi, tout particulier et je dois dire aussi assez prenant par moment au niveau de 5 animateurs du Québec qui œuvrent dans le milieu de la radio traditionnelle, dite traditionnelle, bien sûr, comme je fais un peu ce soir, c'est le live en direct. Dans des émissions qui sont bien sûr spécialisées au niveau du metal et du rock. Et c'était une émission qui m'a beaucoup plu, beaucoup, beaucoup plu. C'était fort intéressant. Il y avait des entrevues avec ces divers artisans, des extraits d'émissions et des explications de diverses choses qui ne paraissent peut-être pas très... clair pour un auditeur, alors que pour nous, en tant qu'animateur, quand on le fait de façon en direct ou live, si vous préférez, c'est une multitude de choses à penser, soit au niveau de la préparation, de la production de l'émission, mais de l'animation et de la mise en onde, parce que, vous cachez pas, là, on fait tout nous-mêmes. Là. Donc, moi, je vous invite à aller écouter le podcast de Subversion Metal Show avec mon ami DJ Tower of Death, qui a fait un sacré beau travail de recherche. C'est un travail, je dirais, à la hauteur d'un journaliste. C'était très bien fait, avec grand respect aussi, je dois le dire. Et c'est un bon show qu'il fait. Ceci étant dit, on va débuter avec une première présentation de nouveautés. Ben, en fait, nouveautés. J'aurais dû le faire la semaine dernière, mais bon... Vous avez vu, j'étais pas là. Je parle d'une formation australienne qui en est à sa première parution. Il s'agit d'un EP. Je parle de la formation Blade of Horus, formation qui vient de Sydney, plus précisément Newcastle, et qui donne dans un brutal technical death metal. Ah, mais quelle surprise de ta part, docteur, de nous présenter des groupes de ce genre. Eh oui, j'en conviens. L'album porte le nom de Monumental Massacre, qui est sur l'étiquette Lacerated Enemy Records. Assez évocateur. Ça a été tiré à très peu de copies, soit 200. J'ai réussi à mettre la main là-dessus. Et voici mon appréciation de cette formation Blade of Horus. Un mélange un peu banal de technique, de vitesse, de lourdeur, de breakbeat... et ce que fait Blade of Horus m'a convaincu, mais seulement partiellement, puisque le vocal est une fois de plus l'aspect qui me pique le plus ou qui me déplaît le plus, si on veut, dans cette formation. Moins probablement que si j'expliquais il y a quelques semaines à Mortal Torment, qui était vraiment un rince cochon épouvantable au niveau du vocal. Mais tout de même, je dois spécifier que j'aime beaucoup le death metal, comme vous savez probablement, mais j'aime avoir un vocal qui est tout de même plus audible. Mais quand même, je vais vous proposer... deux pièces. Ben oui, quelle générosité! Deux pièces tirées de ce EP Monumental Massacre qui est paru le 29 janvier dernier. Je vous présente la pièce Death of a Spartan King, qui va être suivi de Return of the Dark Gods, qui est une bonus track finalement qui se retrouve sur l'édition du EP. Donc, Blade of Horus, go! c'est ça qui est ça. Blade of Horus, Return of the Dark Gods, qui est tiré de ce EP qui porte le nom de Monumental Massacre, qui est sorti sur Lacerated Enemy Records. Ce qui me fait dire qu'à 200 copies d'édition, c'est probablement à label maison. Hein? On vient d'entendre Return of the Dark Gods, qui est considéré comme étant une pièce bonus tracks. Et on a entendu la pièce Death of a Spartan King. C'est un EP qui mini-album, si vous préférez, qui comporte 7 pièces pour un minutage total de quasi 22 minutes. J'ai vu des albums dits complets avoir à peine plus de minutage que ça, donc c'est quand même pas si mal. J'ai trouvé ça bien musicalement, par contre le vocal, je m'entanne facilement. Et rapidement surtout. Donc, dans l'ensemble, c'est correct, là, mais personnellement, c'est pas un album que je vais repiger dans la discothèque de façon outrageante là, ouais, et de façon très répétitive, peut-être à l'occasion, mais sans plus. Ce vendredi, Rock Classic dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est la troisième partie et conclusion, ben un peu comme je fais moi ce soir, mais du spécial 1976. Donc, nous allons conclure, le Rockmaster et moi, cette année 76 avec un survol que nous espérons avoir été le plus complet possible, dans le rock bien entendu, des sorties de 1976. Aussi, on va avoir plusieurs nouveautés. Entre autres, on va entendre un nouvel album de Steven Wilson, The Dream Theater, The Wolf Mother, Temperance Movement, Brimstone Covenant et Witchcraft, ainsi que Tigers of Pantang. Et Alain vous présentera une face complète d'un album vinyle classique qui est paru il y a exactement 45 ans, ce vendredi 19 février, soit le Yes Album. Information Yes, bien sûr, et c'est excellent. Il vous présentera aussi un groupe obscur du début des années 70 qui porte le nom de Taman Shod. Donc, c'est une émission de pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock, en plus des nouvelles du rock, des éphémérides, de la capsule Ça passe ou ça casse, et bien sûr, de la fonte chez les amateurs de rock. Tout ça dès 11h à C'est Fou 89.1 FM. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'on pourra entendre à cette émission de Rock Classique, je vous incite à écouter cette petite bande de promotion qui, ma foi, dure pratiquement une minute et qui est tout à fait significative du genre d'émission que vous allez avoir. La famille Plouffe. Hey! Attention, ton frère va éternuer, là! Achou! Il est pas de bonne humeur! Il s'est fait voler ses patins, moi, c'est pas par qui! Ça doit être quelqu'un. On regarde pas de main, c'est pas moi. Je sais même pas c'est quoi des patins. Ah ouais, mais c'est quoi que t'as dans les mains? Bon, un rasoir électrique, je suppose? Ben non, c'est un bicycle. C'est un camion, pis tu le sais. Non, non, c'est une chaise. Avec un pouf. Bon, c'est assez. Je vais vous acheter chacun un rasoir, un bicycle, un camion, pis une chaise avec un pouf. Bon. Ben, c'est pratique, le doublage, je peux parler plus vite. Tu dors encore! Pis le caméraman qui dort aussi, sa caméra est même pas fixée. Tiens. Ah ouais, lève-toi, mon pitou, là. Je te l'ai dit, faut aller à la buanderie chercher des culottes. Ah ouais, viens-t'en. Je t'en ai tout seul. T'as-tu ramené mes pantalons? Ah, ben c'est ça, des pantalons. Hein, c'est ça? Ben oui, c'est ça, des pantalons. Imagine-toi donc au 12e. C'est trop extraordinaire. Avouez que c'est merveilleux. La famille Plouffe. Ben non, vous entendrez pas ça en classique, voyons donc. C'est impossible. Qui c'est? On va continuer cette fois-ci. Ben, en fait, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses ce soir. J'ai aussi une longue chronique cinéma, mais je le ferai pas tout de suite, ça me dit pas. Mais on va continuer musicalement, par contre, cette fois-ci, avec quelque chose de beaucoup plus actuel, parce que je parle uniquement des albums qui sont parus en 2015. Je fais référence à Against the Plagues, à Crazion, et Eternal Nile. Donc, évidemment, c'est une suite logique dans un ordre d'idées tout à fait, je dirais... intelligent. De continuer dans le death metal. Tout de suite, commençons avec Against the Plague, formation américaine, et la pièce All Flesh Corrupted. Go! Go!

êtes assez fou. 89. Vendredi le 19 février, 21h30, le Zénob a le bonheur d'accueillir la formation saguenéenne Sweetgrass. Pour une soirée folk acoustique remplie d'harmonie, soyez avec nous au Zénob pour le spectacle de Sweetgrass ce vendredi 19 février. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. T'aimes découvrir la musique, t'aimes réentendre tes classiques, tu veux entendre des b-sides de groupes connus, t'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel, tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fait, assez fait. 20h05 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Joe. Jusqu'à 21h avec moi-même, votre humble serviteur, Dr. Pain Pendragon. On vient d'entendre la formation américaine Nile et la pièce Negating the Abominable Coins of Apep, qui est tirée du dernier album What Should Not Be on Earth. C'est vraiment très bon et je dois avouer que malgré le fait que je l'avais mis en 10e position de mon top 10, il grimperait à l'heure actuelle. Mais the more things change. Étiquette Nuclear Blast, juste auparavant, nous avions encore une formation américaine tout aussi brutale, Hate Eternal, et la pièce Pathogenic Apathy, qui est tirée du dernier album, également Infernus. Étiquette Season of Mist, lui je l'ai mis dans mes mentions, mais je dois dire que je ne l'embarquerai pas dans le top 10 encore. Crescian, formation brésilienne, et l'excellent album Forge in Fury, qui est apparu sous l'étiquette Century Media, c'était la pièce Strength in Fury. C'est vraiment un très bon album de death metal. En fait, je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mauvais albums. Et on a ouvert avec une autre formation américaine, soit Against the Plagues, que j'aurais découvert sur la fin de l'année 2015, l'album étant Purified Through Devastation, apparaissant sous étiquette Non-Serium Records, et la pièce étant All Flesh Corrupted. La semaine prochaine, non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je raconte là? Ben oui, tu peux bien te foutre de ma gueule, toi, maudit petit singe! C'est vrai, la semaine prochaine, je ne suis pas là, comme je vais le répéter, je serai absent pour aller voir le spectacle de Black Sabbath, la tournée The End. Mais le 1er mars, mardi 1er mars, je vais être là et je vais vous présenter la nouvelle sortie mini-album de la formation montréalaise Buffalo Theory MTL, qui donne dans un Doom Stoner Metal, formation montréalaise bien entendu, et le mini-album Skeptic Night, que j'ai bien aimé et qui sera disponible le 26 février prochain. Aussi, je tenterai de vous présenter formation que j'ai découverte il y a quelques semaines, une formation suédoise qui donne dans un Death Roll Extreme Metal, soit The Resistance et l'album Coup de Grâce. Ah, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et comme je le disais quand je l'ai écrit sur la chronique musicale de Réanimation, première écoute, j'ai aimé ça. Et aussi, la sortie du nouvel album des vétérans, oui, d'une certaine façon, Rotting Christ et l'album Rituals, qui est apparu sur l'étiquette Season of Mist, 12e album de cette formation, qui je lui porte un certain intérêt aussi. Mais ça, c'est en considérant que j'ai le temps de tout faire, ça, parce que j'ai déjà, on va avoir à débuter le spécial 1998, qui, soit dit en passant, ce n'était pas une blague en ouverture d'émission. C'est bien vrai. Et aussi le 26, la sortie du nouvel album de Anthrax, For All Kings. Ça aussi, je suis curieux de présenter ça. J'aime bien ce qu'ils font généralement, Anthrax. Donc, c'est à suivre. Côté cinéma, ben là, ça risque d'être un petit peu plus long. Pourquoi? Ben parce que j'ai eu le temps d'en écouter quelques-uns. Présentement, ce qui est au cinéma, le film qui est peut-être le plus en demande et le plus visité, c'est Deadpool. Une nouvelle production de... Ben, en fait, c'est une production Walt Disney, bien sûr, mais qui a racheté Marvel. Qui se veut un film d'action, d'aventure et une comédie avec Ryan Reynolds. Donc, c'est l'histoire de l'anti-héros Deadpool. Semble-t-il que c'est très bon et très drôle et aussi très vulgaire. Film que j'ai vu, que j'attendais et que j'ai été, je n'ai pas été déçu du tout. Il s'agit d'un film de Brian Engelhardt qui met en vedette Tom Hardy, le très bon Tom Hardy, Emily Brownings et Paul Anderson. C'est Legend, qui raconte l'histoire des jumeaux Reggie et Ronnie Cray, célèbres gangsters dans les années 60 en Angleterre et qui avaient mis régnait sur la capitale. De façon, je dirais, impitoyable, surtout au niveau de Ronnie, qui était un psychopathe, mais peu banal. C'est un très bon film, c'est un film qui a un gros caractère psychologique au niveau des deux personnages, et soit dit en passant, techniquement parlant, comme ce sont des jumeaux, et bien c'est Tom Hardy qui fait les deux rôles, et c'est excessivement bien fait. J'ai beaucoup aimé parce que Tom Hardy, quand il touche à quelque chose, généralement, en fait, jusqu'à présent, je trouve qu'il le fait de façon admirable. Et j'aime bien les films de gangsters aussi. Mais celui-là, il est peu banal parce qu'il est assez original et il nous dépeint, comment je pourrais dire, une certaine partie de l'histoire de la vie de ces gangsters de façon, je dirais, peu conventionnelle. Donc, Legend, c'est très bon. Et d'ailleurs, ben, c'est tiré de faits réels. Autre truc que j'ai trouvé surprenant et intéressant, et peut-être, je dirais, plus après avoir réfléchi, après avoir digéré le film, en 2013, on a fait un film avec Ashton Kutcher qui s'appelle Jobs, qui racontait généralement une bonne partie de la vie de Steve Jobs, qui est bien sûr le créateur de Apple. Ici, en 2015, on remet ça avec Michael Fassbender et le film porte le titre de Steve Jobs. Ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que c'est une courte période de la vie de Steve Jobs qui se dépeint de 1984 à 1998. Mais c'est un très bon film. Et une fois de plus, on nous fait penser que Steve Jobs n'était pas nécessairement la personne la plus agréable à côtoyer. Mais ça... Je ne peux le dire, je ne l'ai pas connu. En tout cas, c'est un bon film, c'est très bien fait. Fassbender aussi est un bon acteur et se débrouille très bien dans le rôle de Steve Jobs. Film que j'ai trouvé vraiment, mais absolument aberrant et totalement mauvais, il s'agit de Closer to God, qui est un thriller à caractère fantastique, qui est un film de Billy Sinise, que je ne connais pas, et que je ne connais pas non plus Jeremy Child, un des acteurs, Jeffrey Sheldon Newman et Shannon Hope non plus, et qui se veut un film de, bon, en fait, science-fiction, oui, mais c'était plutôt fantastique, et qui raconte l'histoire du docteur Victor Reed, qui vient de réaliser le clonage réussi du premier être humain. Cela devient immédiatement un spectacle médiatique, bien entendu, et bientôt le Dr. Reed et sa famille perdent tout sens de la vie privée, puisque, évidemment, il est pointé au banc des accusés par plusieurs médias, mais aussi énormément par la population, et la plus grande menace vient d'un secret que Victor garde. Et ici, on a voulu faire une espèce de clin d'œil, mais très pâle et très, je dirais, tellement subtil qu'à peine perceptible à le mythe de Victor Frankenstein. Mais c'est vraiment très mauvais et c'est très plate. Donc, je ne vous conseille pas du tout. Un film de guerre que j'ai bien aimé, un film canadien, c'est Iona Road, qui est un film de Paul Gross dans lequel il joue aussi, qui met en vedette aussi Russell Sutherland et Alan Echo, et qui raconte l'histoire d'une brigade de l'armée canadienne qui est en Afghanistan et qui doit survivre à une embuscade et tout ce qui s'ensuit, les enquêtes qu'ils devront mener pour pouvoir trouver le pot aux roses de où viennent ces embuscades et cette trahison, si on veut. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bon. C'est très bien fait. Il y a de l'action, oui, mais ce n'est pas axé uniquement sur cette action. Il y a un aspect psychologique, encore une fois, des relations interraciales qui est très intéressante et qui nous amène dans une... qui nous dépayse dans cette culture qui est totalement différente de la nôtre, bien entendu. Ayanna Road, c'est un film que je recommande. Autre film qui, je dirais, divertissant, c'est Jerusalem, mais avec un Z, c'est un peu dans le même ordre d'idée de ce qu'on vient de parler, qui est un film d'horreur à connotation démoniaque et qui raconte que l'histoire de deux jeunes Américaines qui partent en vacances à Jérusalem pendant le Yom Kippour et qui se transformer en véritable cauchemar parce que, selon la légende, il y a trois portes de l'enfer, dont une est située à Jérusalem et elle s'ouvre pour laisser sortir des créatures qui sont, je vous dirais, pas très reposantes. C'est pas un grand film, c'est un film de série B, mais c'est un film qui est très divertissant, je dois dire. Autre truc que j'ai bien aimé, qui est une comédie de zombies, c'est Burying the X, qui est un film de Joe Dante. Joe Dante, il faut s'en rappeler pour certains trucs qui ont marqué le cinéma quand même. Je parle, entre autres, des films Gremlins 1 et 2, Howling, qui était le premier film spectaculaire de lycanthropie, Inner Space, entre autres, qui est une comédie avec Martin Short, qui était très drôle à l'époque, mais en fait, il a fait plusieurs trucs. Mais ici, pardon, ça raconte l'histoire de Max qui décide de s'installer avec sa petite amie, Evelyn, qui est une control freak, mais totalement, à tous les niveaux, au niveau de la nourriture, au niveau de l'environnement dans lequel ils vivent. Et finalement, il s'en débarrasse, mais avec... il travaille dans une boutique d'artefacts qui sont de collections gothiques et d'horreur, et ainsi de suite. Et il trouve, lors d'une réception de marchandises, un petit démon qui exprime les vœux. Et malencontreusement, eh bien, sa douce moitié disparaît et elle meurt. Mais elle revient en zombie et elle veut continuer à vivre avec lui. Donc, ça aussi, c'est un film de série B. Mais c'est un film qui est très divertissant. Très divertissant et, en fait, je dois dire que le personnage de Evelyn est très coloré. Par moments, un peu plus verdâtre et gris, mais quand même très coloré. Et je dois dire que je ne suis pas rendu très loin jusqu'à présent dans la deuxième saison de Z Nation, mais je crois que je suis le seul à apprécier cette série. Bon, on s'entend que j'ai pas discuté de la question avec 150 personnes, mais les proches immédiats avec qui on... que ce soit ma blonde, que ce soit Alain, le Rockmaster, ou des proches qui écoutent des séries télévisées du genre, bien, je crois que je suis le seul qui lui trouve un certain charme. Bref, je la découvrirai encore dans les prochaines semaines. Je pourrai vous en parler de façon plus ample. Continuons ce spécial 1985 avec cette fois-ci les formations qui elles aussi ont marqué le métal et qui le marquent toujours pour une grande majorité de ces quatre. Je parle ici de Venom, je parle d'Overkill, de Bathory, mais bien entendu, Quarton étant décédé, c'est une formation qui n'existe plus. Bon, en fait, formation, il faut le dire, c'était un homme à tout faire, si on veut. Et The Dark Angel, formation américaine. Allons-y tout de suite avec Venom et la pièce Fly Trap qui est tirée de Possess, quatrième album de cette formation. Made in UK. Go!

également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de CIFU 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes assez fou pour l'écouter. CIFU 89.1. Le temps presse. 20h37, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show jusqu'à encore pour 21 minutes ou à peu près, des quelques secondes. On vient d'entendre la formation américaine Dark Angel et la pièce Merciless Death tirée du premier album We Have Arrived, pièce qu'ils ont repris de façon beaucoup plus grandiose sur le deuxième album Darkness Descends. Mais déjà, on voyait que le band avait un certain talent. Nous avions Bathory et la pièce The Return of Darkness and Evil qui est tirée de l'album The Return, qui était le deuxième de Quarton. Bathory, si vous préférez, sur Black Mark Production. Overkill, formation Made in USA, la pièce Rotten to the Core, tirée du premier album Feel the Fire. 85, bien entendu, Megaforce. Et Venom, la pièce Fly Trap, tirée de Possessed. Quatrième album de cette formation britannique, oui, effectivement, du New Wave of British Heavy Metal de 1985, tout à fait, et de sous étiquette Neat. Je vous parle maintenant d'une formation qui porte le nom de Exhumer, formation allemande, qui en sont à leur quatrième parution. Je viens de les découvrir pour la peine il y a quelques semaines avec l'album The Raging Tides. Certains, dont moi, disent régulièrement que le thrash metal est pas mal usé jusqu'à la corde. Dans plusieurs cas, c'est vrai. Par contre, il y a certaines formations qui réussissent à dire que la corde est encore relativement solide, dont Exhumer. Je vous propose deux pièces tirées de cet album, soit Brand of Evil et Sinister Soul, right now. Your door. Exhumer, deux pièces, Sinister Soul et Brand of Evil, tirés tous les deux de Raging Tides, dernière parution de cette formation. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. Il est paru le 29 janvier, déjà, ça fait un petit bout de temps, sur Metal Blade Records. Bref, ça détonne du reste du trash qu'on peut entendre assez régulièrement. J'ai trouvé que c'était très efficace avec le petit côté vintage, bien entendu. Il me reste pas beaucoup de temps. Simplement pour vous dire que de ne pas oublier ce vendredi dès 11h, émission rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock avec mon ami Alain Lefebvre, le Rockmaster, et moi-même, votre humble serviteur. Aussi, pour les amateurs de métal, je ne serai pas là. Mardi prochain, je vais être de retour le 1er mars avec le début du spécial 1998, présentation de Buffalo Terry, MTL, The Resistance et Rotting Christ, possiblement. Aussi, vous êtes encore amateur de métal ce vendredi de 18h, c'est Subversion, avec mon ami DJ Tower of Death sur... vous pouvez l'avoir sur SoundCloud, sur Underground Québec. Et si vous avez le goût de lire des articles moyennement intéressants, allez faire un tour sur le blog de mon Goblin Medeux Sinistro sur lemort.com. On va conclure ce spécial 1985 et je doute fort que nous ayons le temps de tous le passer parce que les gens de Matière Noire s'en viennent. Ils vont être là dans pas très longtemps, dans peut-être 12 minutes. On devrait entendre des formations. On va entendre des formations Stormtrooper of Death avec March of the SOD, Sergeant D, and the SOD qui est tiré de Speak English or Die, première parution de 85 Megaforce, Corrosion Conformities, Lost for Words tiré de Animosity. De 85 également, bien sûr, sur Death Records. Sacrifice Beyond Death, tiré de Torment and Fire, le premier album de cette formation canadienne sur Diabolic Force. Peut-être se rendre à Possess avec The Exorcist, tiré de Seven Churches, le premier également, le premier album de cette formation américaine de Combat, mais je ne crois pas qu'on va se rendre jusqu'à Creator avec Son of Evil, tiré de Endless Pain. Bref, on fait ce qu'on peut et on se retrouve le 1er mars, mardi. D'ici là, à tous vous faire foutre. Je suis pas gentil, mais ça me dérange pas. Go!